Par dérision, on l'a appelée la bombinette, la bombe du général de Gaulle, la bombe atomique française. Cette arme nucléaire que le président français voulait voir expérimenter au plus vite, afin que notre pays rejoigne le club très fermé des puissances nucléaires et affiche ainsi spectaculairement son indépendance. Et effectivement, le premier tir est effectué dès le mois de février 1960, c'est-à-dire tout juste un peu plus d'un an et demi après le retour au pouvoir du général. Succès français, succès gaulliste. Mais la vérité oblige à dire qu'en cette matière, comme dans d'autres, la Ve République récolte les fruits que d'autres ont cultivés. C'est en effet Pierre Mendès-France qui, dès 1954, a impulsé les premiers travaux sur la bombe atomique française. Et c'est un autre président du Conseil de la Ve République, Félix Gaillard, qui a pris les mesures nécessaires pour que les premières expérimentations aient lieu au premier trimestre de l'année 1960. Mais il reste que la paternité de la bombinette est attribuée au général et qu'elle symbolise le retour de la France dans la cour des grands après des années d'effacement et d'instabilité politique. Alors pourquoi ce terme moqueur? Parce que cette première bombe A est d'une puissance relativement faible et que surtout, elle explose à un moment où les autres nations nucléaires, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, sont déjà dotées de l'arme thermonucléaire, la bombe H, une technologie que les savants français ne possèdent pas encore et qu'ils mettront des années à maîtriser. Alors que Washington, sous l'impulsion de George W. Bush, semble vouloir relancer la course aux armements et qu'on parle d'un climat de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, M. X m'a proposé de revenir sur l'histoire de la bombe française, une aventure scientifique ponctuée de coups de théâtre et de machinations diverses orchestrées par les services secrets. Ben, il faut le reconnaître tout de suite, la France en matière de nucléaire militaire avait pris un retard considérable. Enfin, il suffit de voir les dates. Allez-y, je vous écoute, là, les dates. La première bombe américaine, vous le savez, a été expérimentée au Nouveau-Mexique en juillet 1945. Ouais, et puis, il y a eu deux autres bombes lancées au-dessus du Japon au mois d'août vont révéler au monde le terrifiant pouvoir de destruction de l'arme atomique. Oui, hein, oui, ces deux bombes mettront aussi fin à la Deuxième Guerre mondiale. Quatre ans plus tard, en 1949, l'URSS fait exploser son premier engin nucléaire. Ouais. Les soviétiques ont été largement aidés par leur réseau d'espionnage. C'est juste. En 1952, les États-Unis expérimentent leur première bombe H. La même année, les Britanniques réussissent leur premier essai nucléaire. Ouais, avec l'appui des Américains. C'est certain. Ouais. Un an plus tard, les soviétiques font exploser une bombe H. Et en 1957, les Britanniques les imitent. Tout est allé très vite. Ouais. Alors, pourquoi la France est-elle restée absente de cette course aux armements nucléaires? Pour des raisons essentiellement politiques. Nos savants atomistes n'étaient pas moins compétents que les autres, mais ils avaient fait le choix du nucléaire civil. Oui, et puis il y avait parmi eux des communistes. Le plus célèbre d'entre eux était Frédéric Joliot-Curie, qui était en charge du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Et c'est vrai qu'il n'avait nullement envie de participer à la construction d'une bombe qui pourrait éventuellement servir contre l'URSS. Oui. Et puis, surtout, il faut rappeler que la France avait adhéré au pacte atlantique. Hein. Naturellement. En outre, beaucoup de ces savants étaient sincèrement pacifistes. Et on peut le comprendre alors que la guerre venait tout juste de se terminer. Mais il n'y avait pas non plus de vraie volonté politique. Non, il faudra attendre de Mendès-France pour que le gouvernement se décide clairement à envisager la construction d'une arme nucléaire. Et bien sûr, dès que le général de Gaulle accède au pouvoir en 1958, il fait de cette question une priorité nationale. Pour des raisons de prestige? Oui. Le général est persuadé que la France ne retrouvera le rang qui doit être le sien que si elle est dotée de l'arme atomique. C'est aussi le seul moyen de s'affranchir de la tutelle américaine. Or, le général, vous l'ignorez pas, a gardé un très mauvais souvenir de ses relations avec les États-Unis. Et les humiliations que lui a infligées Roosevelt. Et qu'il n'a jamais pardonné. Et d'ailleurs, à Washington, on voit d'un très mauvais œil le retour du général. Vous préférez l'instabilité politique de la 4e République? Naturellement, parce que ça permettait aux États-Unis d'agir comme ils le voulaient chez nous, et ils ne s'en sont pas privés. Ouais. Vous allez encore faire de l'anti-américanisme primaire, hein? Non, pas du tout. Vous savez très bien que j'ai raison, et que les Américains, via des officines plus ou moins discrètes, ont financé des publications, des journaux, des partis politiques, et même un syndicat. Ouais. D'accord. Bon. On connaît cette histoire, mais revenons à la bombe française. Les Américains, encore eux, n'étaient pas favorables à la construction d'une bombe française. Ils ne l'étaient pas au temps de la 4e République, ils le sont encore moins sous la 5e. À cause du général. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas qu'un 4e pays possède l'arme suprême. C'est d'autant plus vrai que de conserve, les anglo-saxons et les soviétiques font tout pour que le club nucléaire demeure le plus fermé possible. Et à cet effet, ils ont même signé à la fin 58 un moratoire sur les essais nucléaires. Moratoire qui sera immédiatement considéré comme nul et non avenu par la France. Pourtant, les États-Unis avaient bien aidé les Britanniques. C'est juste, mais ils avaient des liens privilégiés avec Londres. Ça n'a d'ailleurs pas cessé. Oui. Et en venant au secours des Britanniques, les États-Unis n'ont pas hésité à enfreindre une loi. La loi McMahon, qui interdisait au Pentagone de fournir le moindre service nucléaire à une puissance étrangère. Une loi qui sera, bien sûr, toujours opposée à la France lorsque celle-ci quémandera une aide. Deux poids, deux mesures, donc. Exactement. Il faut aussi comprendre les Américains. Ils se disaient non sans raison que dès que la France posséderait l'arme nucléaire, elle demanderait forcément avoir droit au chapitre dans le commandement de l'organisation atlantique. L'OTAN. Et Washington ne tenait nullement à partager ses pouvoirs. Pourtant, il faut nuancer un petit peu. Nuancer, expliquez-moi ça. Ben là-bas, même si ça ne faisait pas plaisir, on savait bien que tôt ou tard, la France finirait par posséder sa bombe. Alors on a quand même fait un petit effort. Un effort, hein? Une aide, si vous voulez, une aide modeste. En 1957, par exemple, celui qui deviendra le général Ayré et qui s'occupe alors de nos armes spéciales est officiellement invité aux États-Unis pour assister à un certain nombre d'expérimentations. Des expérimentations nucléaires ? Oui, et Ayré en tire de précieux enseignements pour l'organisation future des tirs français dans le Sahara. Autre chose, en 1959... Alors même que le général est revenu, non ? Oui, oui. Une mission militaire et scientifique française franchit l'Atlantique. Bon, je passe les détails, mais sachez qu'elle en revient avec de précieux appareils de mesure et la promesse d'une livraison d'uranium enrichi. Ouais, c'est un premier pas, ça. En effet, oui. Une parenthèse avant de poursuivre... Si les soviétiques ont pu faire exploser leur première bombe si tôt... En 49. Oui, en 49. Bon. C'est qu'ils ont espionné les Américains et qu'ils ont bénéficié de l'aide fournie par quelques physiciens occidentaux acquis à l'idéologie communiste. C'est certain. Ouais. Alors, pourquoi les Français n'ont-ils pas agi semblablement ? Vous voulez dire en espionnant les travaux américains ? Ben oui. Ben ils ont essayé. Le SDEC a été sollicité, on lui a même dressé une liste de questions sur lesquelles nos ingénieurs voulaient avoir des lumières. Et le résultat ? Médiocre. Je ne dis pas que nos agents secrets n'ont pas obtenu quelques informations importantes, mais rien de comparable à ce que les réseaux soviétiques avaient réussi à faire passer à l'Est. Comment vous, le spécialiste, là, vous expliquez ce demi-échec ? Il n'est jamais très facile d'espionner ses alliés. En outre, les Américains, instruits de leur mésaventure avec les Soviétiques, avaient pris des précautions. Et pour protéger leurs secrets atomiques ? Oui, alors laissons de côté l'action de nos services de renseignement. En fait, tout se joue quelques mois après la mission de nos savants aux États-Unis lors de la visite en France du président américain à la fin de l'année 1959. Ouais. C'est encore Eisenhower, hein ? Oui, je vous rappelle que De Gaulle et Eisenhower se connaissent bien et qu'ils ont même de la sympathie l'un pour l'autre. Et pourtant, les deux chefs d'État ne parviendront pas à s'entendre. Comment ça s'est passé exactement, alors ? De Gaulle, d'emblée, affirme sa volonté de doter la France de l'arme nucléaire. C'est pour lui la seule façon de rétablir l'égalité entre les alliés. Ouais, et Eisenhower essaie vainement de le dissuader. C'est ça, oui, avec de bons arguments. Alors que notre pays est lourdement engagé en Algérie, le président américain souligne qu'il est dommage que la France dépense des sommes colossales pour découvrir le secret d'une arme que ses alliés possèdent déjà. Est-ce que ça signifie que les États-Unis seraient prêts à partager partie de leur secret nucléaire ? C'est en tout cas une ouverture. Mais le général fait semblant de ne pas entendre. La bombe sera française, uniquement française, c'est-à-dire conçue par des savants français et fabriquée par des ingénieurs français. Mais une bombe politique, en somme. Ou diplomatique. Mais l'arme nucléaire est d'abord faite pour cela. À l'exception tragique des deux bombes qui ont été lancées sur le Japon et qui avaient un objectif purement militaire. De Gaulle dit donc à Eisenhower... nous sommes capables de nous débrouiller tout seuls. Et nous ne voulons dépendre de personne, fût-il un allié. Et le général annonce même au président américain que la bombe française explosera dès le mois de mars prochain. En fait, il se trompe d'un mois puisque la première expérimentation aura lieu en février. Ouais, plutôt que prévu, donc. Ouais. Est-ce que Eisenhower est surpris par cette annonce ? Non, bien évidemment. Les services américains disposaient d'excellentes informations sur l'état de nos recherches. Et comme De Gaulle avait annoncé dès son retour au pouvoir sa volonté de posséder la bombe A, l'effet de surprise ne pouvait pas jouer. Mais politiquement, c'est autre chose. Que voulez-vous dire ? Eh bien, les Américains ont maintenant la preuve que le général sera bien le partenaire ombrageux qu'ils devinaient. Et dès ce moment, ils ont la conviction qu'un jour ou l'autre, la France quittera le commandement intégré de l'OTAN. Ça se fera quand même, pourtant, beaucoup, beaucoup plus tard. Alors. En 1965, oui. Car il faudra d'abord que le général de Gaulle en finisse avec la guerre d'Algérie et se débarrasse de ce boulet. La première bombe va donc exploser dans le Sahara en février 1960. Oui, je vais y venir. Mais auparavant, je dois vous dire que les recherches françaises font l'objet d'une véritable campagne de désinformation dans la presse étrangère. Organisée par qui ? Je n'ai pas de preuves, mais j'imagine que le coup venait des services alliés. Quel était le thème de cette campagne de désinformation ? On prétendait que si les recherches atomiques françaises semblaient sur le point d'aboutir, c'est que les Français avaient bénéficié d'une aide. D'une aide de la part de qui ? De la part des Allemands. Enfin, attention, pas de n'importe quels Allemands, mais de savants qui autrefois avaient travaillé pour Hitler. Il y avait une once de vérité derrière ces allégations ? Aucune, non, mais c'est évident. Il fallait nuire et embarrasser la France. En dehors de cette manœuvre de désinformation que vient d'évoquer M. X, il est clair que l'hostilité des Américains vis-à-vis des tentatives françaises de se doter de l'arme nucléaire est ancienne. Dans son « Histoire secrète de la bombe atomique française » publié l'an passé au Cherche-Midi, André Benjebar écrit par exemple ceci. Que les Américains aient tout fait pour que la France ne devienne pas une puissance nucléaire, tous les dirigeants de la France le savaient. Depuis les origines, il en était ainsi. À la veille des élections législatives de janvier 1956, un mémorandum américain sur les sentiments européens faisait le commentaire suivant à l'intention de la Maison-Blanche. Imaginons le climat de soupçons mutuels en Europe et dans le monde le jour où l'industrie nucléaire française ou allemande pourrait construire clandestinement un armement atomique. D'ailleurs, aux yeux de l'ambassade des États-Unis à Paris, le sort de la France était scellé. Un rapport du conseiller américain à Paris, Theodore C. Achilles, estima en janvier 1956 que le déclin de la France comme une puissance mondiale, déclin qui était admis par presque tous les Français, était un fait accompli. Il écrivait « La détérioration de la position mondiale de la France est irréversible et elle continuera probablement encore plus loin. Elle pourrait devenir une autre Espagne. » Changement d'attitude radical dès le mois de décembre 1958, c'est-à-dire quelques mois après le retour au pouvoir du général de Gaulle. Pour ces mêmes observateurs, la France va désormais tout faire pour figurer au rang des Big Three, c'est-à-dire le club des nations nucléaires. Gerboise bleue est donc mise à feu le 13 février 1960 dans le désert du Sahara. Gerboise bleue. Oui, c'est le nom de code de notre première bombe A. Je vous l'ai toujours dit, les militaires sont des poètes. Ouais. Non, bon, enfin, un peu plus sérieusement, la gerboise, comme vous le savez, est un petit rongeur qui vit dans le désert. Ouais, et bleue ? La première couleur du drapeau français. Ah. Toutefois, s'il y aura bien des gerboises blanches et rouges qui suivront, il se glissera aussi une gerboise verte. Une intruse. Et vous verrez que celle-là aura un destin très singulier, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ce qui est important, c'est que le tir de gerboise bleue est un indéniable succès. Et aussitôt, le général de Gaulle envoie un télégramme à tous ceux qui ont permis cette réussite. « Hourra pour la France, depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Ouais. » Quel télégramme. Et quelle fut la puissance de cette première bombe ? Je crois que les experts l'ont estimée à 60 kilotonnes, c'est-à-dire à peu près 4 fois la puissance de la bombe jetée au-dessus d'Hiroshima. Une anecdote savoureuse ici. Elle est racontée par un des témoins, ingénieur au CEA, Claude Essobéry. La puissance du tir, telle qu'elle est d'abord estimée par le service des essais, s'élève à 13 kilotonnes. Le physicien Yves Rocard, le père de Michel Rocard, rectifie le tir, presque immédiatement grâce à une manip d'une remarquable simplicité. Après avoir percé avec un clou un trou de 2 mm dans la porte de son laboratoire situé à 70 km du point zéro, il mesure le diamètre de la boule de lumière qui, par un effet de chambre claire, s'est dessinée contre le mur au moment de l'explosion et en déduit la puissance de l'engin. Mais est-ce que ce prototype de bombe pouvait être aussitôt utilisé par les militaires ? Non, Gerboise bleue était encore trop rustique, comme disent les scientifiques, et puis surtout elle était trop grosse. Trop grosse pour être embarquée sur un chasseur bombardier, c'est ça ? Oui, mais enfin pour le général, ce qui comptait, c'était que la France venait de faire une démonstration éclatante. Ouais, quand même avec pas mal de retard sur les autres. Bon, d'accord, enfin désormais notre pays fait partie du club. Et la France va parler d'une autre voie, c'est d'ailleurs ce triomphalisme ou cette arrogance, comme vous voulez, qui vont tellement exaspérer les Américains que la CIA va très sérieusement réfléchir aux meilleurs moyens pour se débarrasser du général. Mais nous en avons parlé très récemment. Oui, à propos du putsch des généraux. Mais les Américains, justement, est-ce qu'ils ont obtenu des informations sur cette première bombe A ? Bah, vous pensez bien qu'ils étaient aux aguets. Mais comment procédait-il alors? C'est très simple. Cette première explosion, comme les trois autres de la série gerboise qui vont suivre, a eu lieu à l'air libre. Elle a provoqué un immense nuage de poussière radioactive. Par conséquent, il suffit d'envoyer un avion traverser ce nuage. Pour recueillir des échantillons? Évidemment. Et en analysant ces résidus, on peut se faire une idée assez juste de la nature de la bombe. C'est ce qu'ont fait les Américains? Oui, ils avaient mis au point depuis longtemps un organisme ultra-secret chargé de ce travail. Pourquoi ultra-secret? Il était quand même difficile de reconnaître qu'on espionnait ses alliés. Enfin, rassurez-vous, les Français ne se faisaient aucune illusion. Non, ils savaient que les Américains les espionnaient. C'est certain. Et quand les essais vont devenir souterrains alors... Là, il ne sera plus possible de recueillir des résidus. Mais les Américains vont installer, toujours secrètement, des stations sismiques qui pourront permettre de donner des informations crédibles sur la puissance de ces essais. Ces stations étaient installées où alors? En Libye, par exemple. En Libye? Là-bas, des compagnies pétrolières américaines procèdent à des recherches. Rien de plus facile que de dissimuler ces stations sismiques au milieu du matériel utilisé par les pétroliers. Enfin, nous n'en sommes pas encore là, car, je vous l'ai déjà dit, la France va expérimenter d'autres bombes à l'air libre. Oui, toujours des gerboises. Oui, et on va tout de suite avoir la preuve que les bombes françaises sont d'abord diplomatiques. Diplomatiques, c'est-à-dire destinées essentiellement à frapper l'opinion internationale. Exactement. Rappelez-vous, le premier essai a eu lieu en février 1960. Mmh. Or, le deuxième va lui succéder très rapidement. Gerboise blanche explose le 1er avril. Très précipitamment, pensent les spécialistes. Le 1er avril, c'est... Oui, je vois ce que vous pensez. Enfin, il ne s'agit nullement d'un poisson d'avril. Il faut d'abord dire que la DAM, la Direction des Applications Militaires, disposait d'un rabiot de plutonium. Pour la première bombe, on avait en effet utilisé moins de plutonium qu'il n'était prévu initialement. Et avec ce supplément, les ingénieurs avaient conçu une bombe plus petite et plus simple, gerboise blanche. Une bombe de secours, en somme. Oui, c'est ça. Si gerboise bleue avait été un échec, on aurait pu très vite tirer gerboise blanche. J'ajoute que l'expérimentation de cette petite bombe, du point de vue scientifique, n'apporterait aucun progrès notable. Mais pourtant, avec une précipitation certaine, on va faire exploser gerboise blanche. Le 1er avril, alors. Oui. Pourquoi? Et surtout, pourquoi ce 1er avril? Parce que cette date coïncide avec la visite du numéro 1 soviétique en France. Un Khrouchtchev. Oui, Monsieur K, comme on l'appelle. Ouais. Alors, ce deuxième tir ressemble à une provocation? Provocation? Je n'irai pas jusque-là. D'ailleurs, la veille de l'explosion, le général de Gaulle a pris soin d'avertir son illustre invité, mais... À l'évidence, il s'agit d'un message destiné à tous ceux qui critiquent la décision française de se doter de l'arme nucléaire. Et le président français choisit ce moment privilégié pour affirmer qu'il ne se laissera intimider par personne. Ouais, ni à l'ouest, ni à l'est. Et qu'il continuera dans cette voie contre vents et marées. Et c'est pour cela que je vous ai dit que gerboise blanche était surtout une bombe à usage externe, une bombe diplomatique. Je veux bien vous croire, mais enfin... Il s'agit maintenant de fabriquer de vraies armes, enfin je veux dire des bombes opérationnelles. Bien entendu, c'est une question de crédibilité. Les ingénieurs et savants de la DAM vont y travailler d'arrache-pied. Dans le même temps, le programme de construction des Mirage 4 subit une accélération notable. Car il faut pouvoir les transporter, ces bombes. Bien et bien le sûr. Général tient par-dessus tout à ce que ce soit des vecteurs français qui soient utilisés. Mmh. Les prochains essais devront donc aboutir à la fabrication de cette bombe opérationnelle. Et les spécialistes de la DAM sont optimistes. S'ils disposent d'assez d'argent, ils pensent qu'ils n'auront pas besoin d'autant d'essais que les Américains ou les Russes en ont pratiqué avant de concevoir cet engin. Enfin, là encore, ces expérimentations à l'air libre, toujours au Sahara, ne vont pas être dénuées de préoccupations politiques. Et cette fois-ci, les bombes ne seront plus à usage externe, mais à usage interne. Attendez, à usage français, vous voulez dire? Oui, car ne l'oubliez pas, la guerre d'Algérie est encore loin d'être terminée. Et le pouvoir gaulliste va être durement secoué. Oui, le putsch, la création de l'OAS... À chaque fois, ce sont les partisans de l'Algérie française qui grognent et se révoltent, et le Sahara fait partie intégrante de l'Algérie. Naturellement, pour les autorités françaises, il n'était pas question de reconnaître que l'expérimentation de gerboise blanche avait surtout un intérêt diplomatique et un rapport avec la visite de Khrouchtchev dans notre pays. L'historien Jean-Damien Pau vient de consacrer un livre passionnant à l'histoire de la bombe atomique française sous le titre « Les moyens de la puissance ». Il écrit ceci. Le ministère des Armées déclare, au lendemain de l'explosion, que gerboise blanche marque une étape sur la voie qui conduit à la miniaturisation de ce genre d'engin et souligne que c'est donc volontairement que sa puissance a été réduite. Le lendemain, Le Monde révèle, sous le retentissant chapeau « La mise au point d'une bombe opérationnelle n'offre plus de difficultés », que le principe du fonctionnement était le même que celui de la première, mais le dispositif mécanique a été utilisé et la configuration géométrique donnée à la matière fissile différait. Aussi, équiper un avion d'une bombe ne paraît plus offrir pour les spécialistes de la dame de difficultés particulières. Naturellement, un compromis doit être trouvé entre la puissance que l'on voudrait donner à l'engin et son encombrement, mais les questions posées par le logement d'une bombe à bord du Mirage 4 peuvent être considérées comme résolues. Et les techniciens s'affirment en mesure de répondre dès à présent et à toute commande en bombe A qui pourrait leur être passée par les services du ministère des Armées. Les moyens d'investigation dont disposent les techniciens leur permettent d'affirmer que l'exploration des problèmes scientifiques qui restent à résoudre ne nécessite pas pour le moment le recours à d'autres expériences. En revanche, d'autres essais pourraient être indispensables pour créer de nouvelles maquettes, des prototypes et des têtes de série. C'est là, écrit Jean-Damien Pau, pêché par optimisme. Gerboise blanche, engin de secours, ne représente en tant que tel aucune avancée vers la militarisation de l'arme destinée au Mirage 4. Il s'agit d'un engin d'une grande simplicité dont les prévisions quant à sa puissance se situent dans une fourchette extraordinairement étendue. Bref, selon cet auteur, Gerboise blanche est d'abord une opération de bluff. Le livre de Pau a été publié par les éditions Ellipse. La première bombe A française a explosé le 13 février 1960, tout juste quelques jours après les émeutes algéroises des barricades. Vous croyez qu'il y a là plus qu'une coïncidence? Je m'interroge, c'est tout. Mais il y a mieux, le quatrième essai. Et quelle couleur celui-là? Vert, gerboise verte. Dès le début de l'année 1961, la presse évoque cet essai qui devrait avoir lieu au début du printemps et qui mettra fin aux expériences aériennes. Et effectivement, aux alentours du 20 avril, l'engin, accompagné par quelques ingénieurs et scientifiques, est embarqué dans un avion à destination d'Alger. De là, il doit être convoyé à Reagan. Attendez, je vois là où vous voulez en venir, hein, le putsch des généraux, c'est ouais, ça? Oui, le putsch qui est déclenché le 22 avril. Ouais. La bombe, le 22 avril, la bombe se trouve déjà à Reagan? Non, elle est encore stockée dans un entrepôt militaire de l'aéroport d'Alger. Est-ce que les putschistes le savent? Absolument pas, enfin pas encore. Ah, c'est-à-dire qu'ils vont la découvrir, la bombe. Ah oui, l'affaire est assez extravagante, et si je suis bien informé, c'est par inadvertance qu'en visitant cet entrepôt, des gens proches des putschistes tombent sur la bombe. Et ils l'identifient comme telle? Oui. Alors aussitôt, ils essaient d'entrer en contact avec les généraux pour les avertir. L'information est en effet de première importance. La possession de la bombe peut jouer un rôle de premier plan dans la réussite ou l'échec du putsch. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que les généraux pouvaient bien faire de cette bombe-là? Pas la faire exploser, quand même. Bien sûr que non. Mais il pouvait faire chanter les autorités légales. Or, de Gaulle, nous l'avons vu, tenait plus que tout à sa bombe. On ne vous rend pas la bombe si vous n'acceptez pas nos conditions. Oui, c'était tout à fait concevable. Alors, en vérité, que se passe-t-il? Ces types qui ont découvert l'engin essayent donc d'informer le QG des putschistes. Mais ils ne peuvent joindre les généraux. Oui, qu'ils doivent avoir fort à faire. Bien sûr, enfin bref, c'est la confusion. Et quand ces gens retournent à l'entrepôt, ils s'aperçoivent avec consternation que la bombe a disparu. Et où est-elle? Elle a été embarquée dans un avion pour le Sahara. Et qui a donné l'ordre? Ah, un mystère. Mais à mon avis, ce n'était certainement pas un officier putschiste. Ouais. Bon, la bombe se trouve donc à Reagan. Oui, enfin ça ne veut pas dire que l'histoire est terminée. Parce que maintenant, les généraux rebelles savent que la bombe A vient d'arriver au Sahara. Et là-bas, c'est un général qui commande. Un putschiste? Oui et non. Mais ça veut dire quoi, ça? Bah, ce général hésite. Et comme beaucoup d'autres officiers supérieurs en poste en Algérie avant de s'engager, bah, il voudrait bien savoir comment les choses vont tourner. Prudent, ce général. Hein. Très prudent. Même si de cœur, il est certainement avec les putschistes. Mais justement, est-ce que ces derniers vont essayer de faire pression sur lui? Bon, c'est évident. Ils veulent que le général sursoie à l'expérimentation prévue. Politiquement, c'est très important, parce que ça montrerait à l'opinion française que De Gaulle ne contrôle même plus le Sahara. Ouais. Comment suit-on les événements à Paris? On est évidemment très inquiet. Cette bombe qui pourrait tomber aux mains des putschistes, ça fait peur, évidemment, et on n'a qu'une idée. Il faut que la bombe explose le plus tôt possible, à tout prix. Donc on donne des ordres à ce général qui hésite à rejoindre les Félons? Oui, il est certain que De Gaulle a dû prendre lui-même les choses en main. Ouais, mais est-ce que ça suffit, ça, pour convaincre ce général? Non, non, il attend, il tergiverse. Parce qu'il n'y a pas que le chef de l'État qui le presse d'ordonner le tir au plus vite. Il y a également les savants et les ingénieurs qui sont arrivés avec la bombe. Et aussi ont peur que l'engin ne tombe entre les mains de ces putschistes. Bien sûr, ils sont mieux placés que personne pour savoir qu'on ne peut pas abandonner un tel matériel dans les mains de n'importe qui. Et puis, franchement, la plupart de ces hommes n'ont aucun atome crochu avec les rebelles. Donc ils font pression sur ce général du Sahara, alors? Autant qu'ils le peuvent. Et heureusement, à Alger, les événements tournent en défaveur des putschistes. Ouais. Donc le général qui commanda Reagan va enfin pouvoir se décider. Oui, mais les hommes chargés du tir... Et les scientifiques. Oui, ces hommes ne sont pas rassurés pour autant. Et pour se mettre à l'abri d'un quelconque retournement de situation, ils prennent une décision ahurissante. Au lieu de faire transporter la bombe jusqu'au pas de tir dans un engin militaire avec une escorte armée, ils la chargent tout simplement dans le coffre de la deux chevaux d'un technicien civil. Et la bombe tient dans le coffre d'une deux chevaux. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que des progrès certains avaient été réalisés pour miniaturiser l'engin. J'ajoute, pour être honnête, que je n'ai appris ce détail que très récemment dans un livre consacré à la bombe. Ouais. Et c'est donc en deux chevaux que Gerboise Verte arrive sur le champ de tir. Tout à fait. Et conformément aux ordres du général de Gaulle, elle va être expérimentée au plus tôt. Ouais. Quand exactement ? Le 25 avril. Et en dépit de conditions atmosphériques exécrables qui vont atténuer considérablement la portée scientifique de l'expérience. Il fallait faire vite, c'est ça, hein ? Oui, et tant pis si ce quatrième essai peut être considéré comme un échec. La bombe a explosé, enfin. Ouais. Le 25 avril, c'est aussi le dernier jour du putsch. Vous avez raison. Et il aurait peut-être été judicieux d'attendre que le vent de sable se calme. En effet, puisque la menace des rebelles s'estompait. En tout cas, ça prouve qu'à Paris, on était réellement inquiet. Et après ce tir, les expérimentations seront souterraines, oui, c'est ça? Oui, et peu à peu, la bombe A française va devenir opérationnelle et les premiers exemplaires vont être livrés à l'armée. Mais une autre aventure va commencer, c'est celle de la bombe H. Si vous le voulez bien, je peux vous en parler lors de notre prochaine rencontre. C'est une histoire encore plus riche en péripéties et en manœuvres obscures. Un pied noir, ancien putschiste, André Rosfelder a récemment raconté dans un livre comment ses compagnons avaient découvert la bombe A lors de son transfert à Alger. D'après lui, ce sont des étudiants qui sont à l'origine de cette trouvaille. Des étudiants qui l'ont appelé à la radio dont il avait pris la direction au nom des rebelles. Voici sa réaction. Une bombe atomique, quelle aubaine, même incomplète, sans détonateur, un atout maître, de quoi glacer Paris et bafoué de Gaulle. Comment ne pas apprécier la poésie de ce juste retour des choses? Son gouvernement, en faisant ses comptes, avait choisi la force nucléaire plutôt que l'Algérie française, et maintenant, nous la lui volions pour défendre l'Algérie française, le maître du chantage à la bombe, en devenant la victime. Aussitôt, Rosfelder essaie de joindre le QG des généraux putschistes. Un capitaine lui répond. Je donnais mon nom et lui dis que Charles m'avait chargé de la radio. Quelle bombe ? La bombe, la seule, celle qu'ils attendent à Reagan. D'où l'avais-je appris ? La placidité de mon interlocuteur me désarçonnait. Des amis l'ont vu dans un entrepôt du port. Du port ? Attendez un instant, un très long instant. Puis, une voix différente de la première, mais tout aussi défensive et froide qui tranche. Ce doit être une erreur. La bombe a été acheminé sur Reagan, ne répandez pas de tels bruits. Et l'inconnu raccroche. Quelque chose clochait. La réponse indignait les étudiants. Ils ont voulu retourner à l'entrepôt du port, d'où ils sont revenus moins d'une heure plus tard. Leurs paroles se bousculaient. Plus personne, plus rien. Avait-elle existé? Mais s'ils s'étaient trompés, si on les avait trompés, comment savait-on? Au GG, qu'elle était partie vers Reagan, à moins d'avoir suivi son cheminement, et dans ce cas, pourquoi ne pas avoir tout tenté pour l'intercepter? La réponse était évidente, la bombe était une affaire bien trop sérieuse pour la mêler à notre aventure. Le 11e commandement d'André Rosfelder a été publié chez Gallimard en avril 2000, et je vous rappelle le titre du livre de Jean-Damien Pau, « Les moyens de la puissance » aux éditions Ellipse. Enfin, je vous signale la parution aux éditions des Arènes de l'ouvrage de Dominique Lorenz, « Affaires atomiques ». J'ai noté en particulier des passages très intéressants sur la coopération nucléaire entre Israël et la France.